Je veux être malade. Docteur, plus je prends de remèdes, plus je me sens malade. Alors c'est bien simple. Ne prenez plus de remèdes. Mais si je ne prends rien, je ne vais pas guérir. Moi, je crois que vous êtes en bonne santé. En bonne santé? Docteur, j'ai lu qu'un homme en bonne santé est un homme qui ne sait pas qu'il est malade.